RTR 89,4 MHz, dans 6 minutes, en 7, parce qu'ils arrivent toujours essoufflés et à la bourre, parce que c'est bulle de rêve, quoique ça sonne à la porte, on a le temps d'un texte encore. Tu attaques ? Alors, j'attaque, oui, Sergueï Yessénine. Et traîneau, il trotte tes chevaux que le diable emporte. Alors course éperdue dans la steppe, la clochette te rire aux larmes. Pas de lune, pas un cri de chien, ni lointain, ni proche, rien. Tiens bon, ma vie a bride abattue, je ne suis pas encore décrépit. Chante, cocher, en dépit de cette nuit, je t'accompagnerai volontiers à chanter les yeux malicieux, chanter mon enfance joyeuse. Et oui, fut un temps où, le gélure de travers, on attelait le cheval au timon, puis s'étendait parmi le foin, et l'on oubliait jusqu'à son nom. Ainsi, d'où qu'elle tienne sa dignité, sut-elle en convaincre plus d'une, dans le silence de la nuit, ma babillarde Talianka. Ce temps n'est plus, mon cheveu se fait rare, les talons écrevés, le foyer déserté. Ma Talianka a perdu la voix et désappris de babiller. Pourtant, mon âme n'est pas morte, tant me sont doux neige et frima. Et puisque sur tout ce qui fut, la clochette de rire aux larmes. Donc Sergueï Yessénine l'a écrit le 19 septembre 1925. Ariel est vraiment fantastique, il n'y avait que 5 mesures de cette musique qu'il identifiait. Le titre, le compositeur, l'interprète principal, l'auteur et la date de sortie. Ah, la date de sortie, je ne sais plus. 1971. Ah. Vas-y, pendant que je prépare pour l'émission suivante. Il y a aussi Monsieur Marielle qui jouait dedans, qui a un rôle formidable, Jean-Pierre Marielle. Et Stéphane Autran aussi. Il me semble qu'elle a, elle a une peu. Elle est celle qui explique ce qui s'est passé. Oui, à la fin. Mais alors, c'est quel film? Et c'est un clin d'œil à quel acteur aussi? Sans mobile apparent, un clin d'œil à Jean-Louis Trintignant. Oui, il nous a quittés la semaine dernière. Eh oui. C'est l'heure. Oui, ça va être l'heure, effectivement. Bon. Ça va être l'heure, effectivement, de céder l'antenne à l'émission suivante. Alors, il semblerait que ce soit une version... un peu spécial de Bulle de rêve. On vous promettait normalement un invité et ils vont vous expliquer pourquoi il n'y a pas d'invité, mais il y a plein de morceaux et puis il y a toute l'équipe habituelle. Mais tout ça, ça sera dans 3 minutes et 11 secondes, le temps d'un générique et le temps que l'équipe de Bulle de rêve entre dans les studios de Radio Libertaire. Enfin, les studios, c'est une façon de parler, le studio. Bonjour les enfants. L'histoire de chat et de chaton que je vais vous raconter aujourd'hui à partir du grand dessin animé de Walt Disney n'est pas une histoire ordinaire. Attention. Tout d'abord parce qu'elle concerne des chats très très très distingués. Les aristochats. En anglais ça se dit the aristocats. Alors vous voyez, chat, cat, c'est presque le même mot. Chat, cat, chat, cat, chat, cat. Il y a simplement un H qui s'est perdu entre la France et l'Angleterre. Ensuite, cette histoire n'est pas ordinaire. Ah ben non, j'ai déjà dit le mot ordinaire. Excusez-moi, attendez. Il faut trouver un autre mot pour enrichir votre vocabulaire. Attendez. Ah, cette histoire n'est pas une histoire banale. Voilà, elle n'est pas banale parce qu'elle est un tantinet policière. On y trouve de tout. Des chats, des chiens, des hommes, des oies, et même une jument et un souriceau. Ah, un souriceau, c'est pas ce que c'est. Eh bien, un souriceau, c'est une toute petite souris. Des... voilà. Et alors, il y a un traître, des vagabonds, des poursuites et des bagarres, pim, pam, boum, blam, et un chat héroïque, un chat, vous savez, un peu chat perdeur, là, miaou, un peu chahuteur, et puis, bref, un chat au grand cœur, toujours prêt au combat et qui n'hésite pas à se lancer au secours des faibles pour les protéger, quitte à y laisser des poils et devenir pour un moment un chat, ah, un chat comment? Un chat comment? Allez-y, les enfants, aidez-moi, un chat? Ah là ! Eh bien, un chat pelé, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chat auquel il ne reste presque plus de poils. Bonjour à tout le monde, Nicolas, vous en avez un peu parlé. Normalement, ce n'est pas moi, vous auriez dû entendre, c'est la voix de Marie-Pauline. Bonjour Marie-Pauline. Et bonjour Alexis. Puisque Marie-Pauline aurait dû présenter normalement cette émission et normalement, vous auriez dû entendre la voix juste après de l'intervieweur. Ce n'est pas Nicolas, mais bonjour Nicolas. Bonjour. Et c'est Antoine, et on fait un grand coucou à Antoine, voilà, qui n'a pas supporté Annecy, plus tout le travail, c'est un peu une star. Et donc, voilà, tout ce qu'il y a eu entre Annecy, etc., c'est ce qui fait qu'il il est normalement, d'après ce qu'il nous a dit, s'il ne ment pas au fond de son lit à nous écouter. Donc, on l'embrasse, on lui souhaite un prompt rétablissement. Pareil pour nos invités, je ne vais pas vous inquiéter, mais en tout cas, voilà, qui ont été aussi... Voilà, Hansi a fait quelques dégâts, on va dire, mais visiblement des dégâts, en tout cas beaucoup de joie pour les gens qui étaient à Hansi. On va pas trop en parler cette semaine, on a dû vite changer un peu tout, donc on va pas trop vous parler d'Hansi, sauf Nicolas qui peut pas faire autrement, qui veut pas, mais le 9 juillet, on viendra avec l'émission. Antoine, on l'espère, sera là et on, pourquoi pas même inviter un ou deux invités qui parleront d'Annecy. Puis moi, je n'étais pas à Annecy, j'étais à Zagreb. Je mettrai mon grain de sel pour certains films que j'aurais vus en disant si je suis d'accord ou pas. Enfin, on fera un vrai débat sur les festivals. En intro, vous avez entendu Louis de Funès qui nous racontait les Aristochats. Voilà, je trouvais ça plutôt mignon. Vous savez, si vous écoutez de temps en temps cette émission, j'aime beaucoup Louis de Funès. Donc voilà, c'était sympa. Et puis il y avait un côté un petit peu, j'aime bien qu'on fait. Alors bonjour les enfants, je trouvais ça pas mal pour une émission sur l'animation. Alors qu'on essaye absolument de dire que c'est pas pour les enfants, de ramener ça. Mais aussi, et juste après, vous avez entendu très très belle musique des Goblins, ou des Gobelins, je sais pas comment on prononce, Goblins, j'ai toujours dit Goblins, pour un film de Dario Argento qui s'appelle Profondo Rosso. Hein, Frisson de l'angoisse en français. Très beau film, et c'était pour vous annoncer que Dario Argento, il y a une très grande rétrospective à la Cinémathèque française, et c'est même Ténèbres, une image de Ténèbres qui est en couverture du magazine, grand film de Dario Argento. C'est du 6 au 31 juillet, Dario Argento sera présent même avec sa fille, Asia Argento, c'est une double rétrospective, et notamment il sera présent lors de la première de l'ouverture avec son dernier film, Occhiali Neri, Les Yeux Noirs, film très étrange, je toujours pas si j'aime ou j'aime pas, mais qui est une espèce de balade. Il n'y a presque pas de meurtre pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dario Argento, mais le spécialiste du giallo, même s'il vient de Mario Bava, mais le spécialiste du giallo, et c'est une espèce de road movie presque entre deux personnes. Il y a quand même, pour ceux qui aiment Argento, vous inquiétez pas, histoire de meurtre, il y a des choses comme ça, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, ça se passe presque pas mal dans la journée, enfin, c'est assez étonnant. Donc voilà, une grande rétrospective avec, comme le disait hors antenne, même 5 jours à Milan, un film très rare, voilà, avec Andrea Celentano notamment, qui va passer une seule fois. Comme c'est un film assez rare, il passe le samedi 16 juillet à 15h et c'est tout. Donc voilà, mais sinon plein d'autres films. Donc Daria et Asia Argento. On commence par l'album du mois et c'est toi, Marie-Pauline, qui nous le propose. On t'écoute. Et bien, comme album du mois, je vous propose le nouvel album de Florent Marché, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, au mois de juin. Donc, son nouvel album s'appelle Garden Party. C'est son 5e disque solo et il arrive quand même 8 ans après le précédent qui s'appelait Bambi Galaxy. Alors, on va pas se mentir, c'est un album plutôt sombre. Les violences conjugales, les enfants qui partent, les amis qui disparaissent, voilà un peu les thématiques qu'on retrouve dans l'album. Mais c'est très beau, c'est du pur Florent Marché. Il y a plein de chansons, évidemment, on vous recommande tout l'album, mais il y a plein de chansons qui restent dans la tête. Il y a La vie dans les dents, Freddie Mercury, Lindbergh Plage. Et là, nous allons écouter le titre De Justesse. On écoute donc Nicolas, merci. Un noyau de cerise, 4 ans la chaise haute, et les doigts dans la prise, juste avant qu'on les ôte. De justesse. 12 ans, vif écorché, la rivière, les Cévennes, sauter du grand rocher et s'en sortir indemne. De justesse. Promets-moi, mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge, le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages en vitesse. Ne plus rien avaler et peser sans mal-être. On allait se jeter, mais on ferme la fenêtre. De justesse. Promets-moi, mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. fêter la bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18 de justesse. C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentés, parfois on a du bol dans l'ivresse. Promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. Promets-moi mon amour de passer ton tour. On continue à parler, évidemment, comme d'habitude. Alors oui, j'ai peut-être pas précisé, hein, excusez-moi, que ça serait une émission purement musicale, quasiment. On s'est fait plaisir. On a vite, on s'est dit on avait un jour pour changer, une invité, c'était pas évident. Donc voilà, donc on a vite changé rapidement. Marie-Pauline a très rapidement envoyé ses musiques. Et Nicolas a envoyé ses musiques, parce qu'évidemment, il est dans tellement d'émissions beaucoup plus tard. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est à toi, Nicolas, de nous parler. Vous allez voir. Alors, juste pour vous dire, parce qu'ils m'ont envoyé des musiques et c'était à moi un peu d'essayer de faire quelque chose. Au début, je me suis dit, tiens, je vais faire des choses thématiques, un truc comme ça. Et à un moment donné, j'ai abandonné parce qu'il y a quand même une vingtaine de morceaux. Hein. Donc, c'est assez long. Et vous allez voir, c'est assez rigolo parce qu'il y a des choses très, très, très différentes. Comme je dis, alors Nicolas et moi, on est restés un peu dans nos zones dont on connaît à peu près. Et Marie-Pauline est un peu entre les deux. Et donc, j'ai décidé, après, que ça c'est toi, avec donc Emel, Nicolas, qui nous propose le deuxième morceau. Alors, Emel, je ne sais pas si vous la connaissez, donc de son vrai nom, Emel Matlouti. Donc là, c'est un morceau qui vient de son dernier album qui s'appelle Tunis Diaries. Et c'est quelqu'un qui s'est fait connaître en 2011 avec un titre qui signifie, enfin, un titre qui s'appelle Kelmti Hora, qui signifie « Ma parole est libre », et qui est extrêmement influencé notamment par les chanteurs protestataires arabes, donc comme Sheikh Imam et Marcel Khalife, mais aussi par des choses un peu plus folles comme Duane Bess, etc. Donc toujours quand même des chanteurs assez engagés et militants. Et elle a vraiment chanté aussi, on va dire, vraiment porté la voix pendant la révolution tunisienne, donc il y a déjà une dizaine d'années maintenant. Et en fait, là, son dernier album, c'est un album, on va dire, du confinement qu'elle a enregistré au printemps 2020. Et la chanson que je vais proposer ici, justement, c'est une chanson qui a eu un énorme succès justement à sa sortie, puisque dès qu'elle l'a mis en ligne sur YouTube, elle a été visionnée plusieurs millions de fois en quelques mois. Donc voilà. Donc on écoute Holm, merci Holm, Nicolas. De Emel, oui. الظلم والقار من واقع ناصر نابث بي كل لي من ابني دنيا علت في أسوار طغيان ساحقها فينا أحلاما أحلام وعم الظلام والأنانية في كل Merci beaucoup Nicolas pour ce moment. Donc on va rappeler, hein, on va essayer de rappeler à chaque fois, Emel, E-M-E-L, et donc le morceau s'appelait Holm, H-O-L-M. Alors là je vous parle, mais normalement, si tout se passe bien, j'aurais juste dû quitter la main stage où j'aurais vu Elu Vessie juste il y a 20 minutes. Et en attendant ce soir pour avoir, normalement, ouais, je voulais voir, alors pas Guns N' Roses, hein, mais je voulais voir Converge and Blood Moon sur la vallée. Je devrais être trempé, parce qu'il fait vraiment pas très beau à Clisson, et on devrait être comme ça. Et voilà, malheureusement, j'ai pas été, mais je suis content d'être avec vous au deuxième week-end, mais j'ai fait le premier week-end du Hellfest. Et donc, je suis désolé, mais on va quitter les jolies voix que Nicolas nous propose pour arriver à ma programmation à moi, et vous allez voir, alors c'est des musiques très physiques moi qui m'intéressent, des enjeux sur le corps que je trouve très importants, et donc c'est quelque chose. Juste avant, je voulais juste vous dire, pour les gens qui disent « Oh, on voit jamais de films d'animation », il y a plein de films sur Arte que vous pouvez voir, Scale de Joseph Pierce, Letter to a Pig de Tal Cantor par exemple, mais pas mal d'autres, et aussi des films comme Steakhouse qui vient d'être mis en ligne, donc allez-y. Et le 29-30 juin, il va y avoir la reprise au Forum des Images pour les Parisiens du palmarès d'Annecy, dont nos camarades nous parleront un petit peu. Le Grand Prix étant donné en long métrage au Petit Nicolas, qui passera donc à 16h le 29 juin. Ensuite, des courts métrages primés à 18h30, courts compétitions pro, donc voilà, avec pas mal de choses mélangées. Interdit aux chiens aux Italiens de Alain Huguetto, qui passera à 21h. Et le lendemain, les courts métrages primés 2. Revenons maintenant à la musique, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui. On va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Life of Agony. C'est aussi comme Marie-Pauline, pas forcément des groupes les plus fun, en tout cas au niveau des sujets, ça parle de choses très, très dures. C'est un groupe qui a été formé en 89, avec une sortie en 93 d'un album très important qui s'appelle River Runs Red. Je vais vous amener aussi vers les complexités du métal. Ils font de l'alternative métal. L'alternative métal, c'est un mélange entre le heavy metal et des influences, donc vous allez voir, vous allez entendre, plutôt de rock alternatif. C'est un groupe qui a vécu beaucoup de séparations, comme pas mal de groupes dont je vais vous parler aujourd'hui, de questionnement, de problèmes avec ses maisons de disques. C'est largement mieux en live. Regardez Arte, c'est pas de la pub, TV fait un boulot incroyable sur le Hellfest en nous présentant quasiment une huitaine, quasiment 8 ou 10 lives quasiment tous les jours. Du Hellfest, c'est assez incroyable. Il y a ce groupe-là. Il y a la présence fascinante de la chanteuse Mina Caputo, qui est assez incroyable. Un jeu sur la voix, Mina Caputo, femme transgenre, l'une des premières quasiment en métal, il y en a assez peu. Travaille sa voix différemment, parce que sur les premiers albums, elle a une voix donc plus grave. Et là, comment elle travaille petit à petit une voix un petit peu différente. Je me suis renseigné, en effet, autant chez dans le passage entre femme et homme, les hormones font que les cordes vocales changent, et donc il n'y a pas besoin de travailler forcément un changement de voix, mais pour l'inverse, c'est beaucoup plus complexe et il y a un vrai gros travail par rapport à ça. Et donc là, il y a ça, elle travaille sa voix, on va dire, d'une manière assez étonnante en live. Il y a un côté diva aussi très théâtral, alors aussi bien homme que femme, il y en a très peu en métal, hein. On est sur quelque chose, vous l'entendrez même un peu plus tard, d'un peu plus direct, un peu plus brut, et donc il y a toute une présence vraiment fascinante qu'elle a. C'est tiré le morceau que vous allez entendre qui s'appelle Stone, est tiré du dernier album donc studio, hein, de Life of Agony, qui s'appelle The Son of Scar, donc les bruits, les sons des cicatrices, donc qui sort en 2019, et on est beaucoup sur, en effet, tout ce qui est sur des sujets très durs, en effet, aussi violence faite aux femmes, la complexité d'être un être humain, tout simplement, et tout ça. Et c'est un album qui est très très beau et très dur, et qui revient un petit peu à cet album Rivers Run Red qui était le premier. On écoute Stone, s'il te plaît, Nicolas. I need to find a place to be alone. donc on était passé à complètement chose de la Wagonie, donc que je vous conseille. Et on continue avec Nicolas. Et Nicolas, alors, qui va nous proposer un morceau où visiblement c'est facile de sauver le monde. Donc, je sais pas si tu as choisi par rapport au titre, mais on... Non, alors c'est un morceau d'un clarinettiste, donc on va changer un petit peu de registre, qui s'appelle Yom, et qui est très inspiré par les musiques juives, notamment d'Europe centrale, et qui en 2011, parce que le morceau date de 2011 quand même, il y a une dizaine d'années, comme quoi il y a une dizaine d'années, c'était peut-être plus simple de sauver le monde. C'est un album qui s'appelle With Love, et en fait c'est son premier groupe qu'il a fondé avec les Wonder Rabbis, donc les Ravins Merveilleux. Et donc voilà, ça, c'est le morceau. Un grand titre. Voilà, exactement, très grand titre. Et donc là, avec simplement sa clarinette en tant que super-héros, il va chanter l'amour et sauver le monde. Donc voilà. Donc le morceau s'appelle, hein, c'est pour ça, Saving the World is Easy. Sauver le monde est facile. On écoute ? On écoute. Eh ben on écoute, Nicolas. Thank you. après avoir sauvé le monde. On pouvait s'en douter, on est un peu, c'est rare, hein, on est connecté, c'est pas tout le temps, mais ça aurait pu être aussi un morceau que propose Antoine Bieber, donc voilà, c'est une espèce de choix entre les deux. Ok, je sais, si vous écoutez un peu Bulle de Rêve, vous vous demandez, vous vous dites, et non, on va pas aller plus loin dans le suspense, évidemment, évidemment, Marie-Pauline va passer un morceau d'Editors, c'est même pas possible autrement, donc j'ai failli attendre le plus loin possible, mais non, on peut pas faire autrement, donc Marie-Pauline, quelle surprise, Editors, pour la première fois. Eh bien oui, parce que Editors est de retour, et ça c'est quand même une excellente nouvelle, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, c'est ce fameux groupe de Birmingham porté par ce formidable chanteur Tom Smith à la voix vraiment vertigineuse. Ils reviennent 4 ans après l'album précédent qui s'appelait Violence, et donc le nouvel album EBM sortira le 23 septembre. Bon, je ne l'ai pas encore précommandé, mais on y est presque. Voilà, c'est une nouvelle configuration du groupe. Ils ont intégré un 6e membre avec lequel ils collaboraient déjà, Benjamin John Power, alias Blank Mass. Et on sent une sorte d'influence de Blank Mass sur, en tout cas, les deux singles qui sont sortis pour le moment de ce nouvel album. Et j'avais envie aussi de passer ce morceau, parce que figurez-vous qu'il y a un clip qui est fait avec une intelligence artificielle, donc ça donne des images animées très très moches. Il faut quand même le dire. C'est assez étrange. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu nous fais, Marie-Pauline ? C'est assez bizarre. Écoute, c'est un groupe de musique qui ne sont pas censés s'y connaître en cinéma, mais c'est quand même, voilà, je vous invite à aller regarder, c'est quand même très étrange. Mais le titre, lui, eh bien, voilà, il est fidèle au rendez-vous avec la voix de Tom, qui est toujours aussi sublime, il fallait le répéter. Et donc le titre s'appelle Heart Attack. Allez, c'est parti pour 6 minutes. Heart attack. Bulle de rêve toujours sur Radio Libertaire, ce que vous savez pas, enfin si vous le savez, parce qu'à chaque fois je vous le dis de toute façon, voilà, c'est qu'on, là on parle palmarès, on parle des choses qui, à la fin on se dit, oh, c'est pas très intéressant, mais quand même on en parle. Et donc voilà, c'était Editors, Heart Attack, donc proposé par Marie-Pauline. Et maintenant, Nicolas, c'est ta proposition, on t'écoute. Alors, pour moi, alors, c'est une chanson, un morceau de Yeli Yeli. Alors, Yeli Yeli, c'est un, on va dire, un projet musical qui est porté par une chanteuse française qui s'appelle Emilie Anac et qui avait été connue aussi il y a une petite dizaine d'années pour un autre projet musical qui s'appelait Milky Me aussi, qui a duré quelques temps, et là cette date, celui-là date de 2015 ou 2017 je crois. Elle est née d'une mère kabyle et d'un père aux origines tchèques, et elle se confronte un petit peu dans ses chansons à cette espèce de métissage justement qu'elle porte, et justement par rapport à son morceau donc j'ai passé qui s'appelle Tasousmi, elle explique justement: chargé de vie, je chante mes morts et j'implore les espaces où les consciences s'évanouissent. Voilà, donc ça donne un petit peu le là pour le morceau. Très beau morceau, donc Yeli Yeli. Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix. Tasousmi, tasousmi, tasousmi. Tasousmi, c'est ennemi. Marie-Pauline n'était pas au courant, je vais passer à toi de d'annoncer. Non, Marie-Pauline, donc c'est produit, en fait, l'album est produit par, je préfère que tu le prononces. Par Pierce Facchini. Voilà, c'est mieux prononcé que moi, donc voilà, on vient d'écouter Yeli, Yeli. Alors, c'est à mon tour. Je vous amène complètement ailleurs, je vous amène alors toujours aux États-Unis, mais avec un bout de Norvège à l'intérieur. On va écouter du Death Doom. Donc Death Doom, ça veut dire voilà, doom de la mort. Avec donc c'est des tempos normalement très lents, avec un côté très pessimiste ou dépressif même. Le doom est quelque chose qui normalement est très, enfin voilà, avec des choses très très lentes. Le groupe est américano-norvégien, comme je vous l'ai dit. C'est créé en 94-95, puis revenu en 2009 et 2010, en fait, avec un EP, donc un EP, comme on dit, que c'est un netplay Domedagsnatt. Prononce très mal. Pourquoi je vous le propose, j'ai découvert parce que c'est deux musiciens de Sun Ho, qui est un groupe que j'adore, dont je vous ai souvent parlé, qui fait du doom metal avec Stéphane O'Malley à la guitare et Greg Anderson aussi à la guitare. C'est un groupe voilà, qui fait des longues plages de souvent 10 minutes, 15 minutes, très peu d'accords. Enfin voilà, on est et là, c'est l'un des premiers groupes qu'ils ont créé, donc il y a plus d'une vingtaine d'années, avec la chanteuse qui s'appelle, alors je suis désolé, Runhild Gammelscheiter, pardon, norvégienne, qui à l'époque qui était une étudiante norvégienne de 17 ans en échange à cette époque-là, qui va devenir la chanteuse du groupe. Elle va repartir ensuite, le groupe s'arrête parce qu'elle repart en Norvège où elle va continuer ses études en sociologie. Vous allez voir, c'est intéressant. Et donc, on est dans quelque chose, vous allez voir, on a un morceau, là, on va faire un long passage, un morceau de 7 minutes. J'ai pris des morceaux très courts, des morceaux un peu plus longs. Et donc, ben, on est dans le Death Doom, vous allez entendre, c'est elle-même qui chante. T'sais, on est sur un album, donc c'est souvent là la même chanteuse. Les mêmes chanteuses ou les mêmes chanteurs qui peuvent avoir ces voix très gutturales, mais aussi des fois plus traditionnelles, on va dire. Donc voilà, une voix très, très forte, complètement portée par ce qu'on appelle Death Doom, enfin le Death Metal en tout cas. On écoute donc, pardon, j'ai pas dit, le groupe qui s'appelle Thor's Hammer, donc le marteau de Thor. On est vraiment là et on écoute un morceau qui s'appelle Norvège. On écoute ça. J'aurais dû laisser un petit peu de silence après, mais on peut pas laisser plus de 10 secondes de silence. Donc Thor Hammer, donc le marteau de Thor, bah voilà, si vous aimez, c'était du Death Doom. On va changer complètement, mais on va avoir quelque chose d'un peu plus léger, mais avec une très jolie voix que j'ai découvert. Merci beaucoup Marie-Pauline, même si visiblement peut-être Nicolas l'aurait déjà passé dans une émission précédente. On va écouter, je vais te laisser l'annoncer d'ailleurs. Eh bien tout à fait, nous allons écouter Phoebe Bridgers. Son album il y a à peu près 2 ans, Punisher, avait eu un énorme succès. Il y avait notamment une chanson dedans qui s'appelle Garden Song, qui est magnifique. Et elle est revenue là cette année juste avec un single qui est une chanson qu'on a pu entendre dans une série qui s'appelle Conversations with Friends. Et c'est une chanson assez introspective qui met bien en valeur la pureté de la voix et une sorte de vulnérabilité comme ça qui affleure. Et ben c'est très très joli, effectivement, sans transition, on va dire. Sidelines de Phoebe Bridgers. Alors, je vais vous répéter de nouveau, Phoebe Bridgers. Moi, c'était dans la truc, mes coups de cœur et que j'ai écouté entre tous mes morceaux un peu métal que vous entendez. Et ben, ça m'a fait du bien d'écouter. Donc voilà, tout le reste, ça doit être très joli en concert aussi, je pense, tout à fait à écouter. Alors, on va voir là deux facettes de Nicolatis au même moment avec deux morceaux un peu différents qu'on va écouter à la suite. On t'écoute pour nous présenter ces deux morceaux, et dont un, je m'excuse, parce qu'il a dû passer il y a longtemps dans l'émission et qu'on a supprimé. Vous savez, c'est toujours la même chose parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps et qu'on avait trop parlé, etc. Donc là, des fameux morceaux qu'on a enlevés, que tu remets, tu fais bien de les remettre. C'est un morceau que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc, on t'écoute. Alors, le tout premier, qui est un morceau peut-être un petit peu plus classique, c'est un morceau d'une chanteuse qui s'appelle Yasmine Olia. Alors, Yasmine Olia, qui n'est pas une chanteuse extrêmement célèbre, mais qui, là, va chanter Ho Habibi, et qui est une artiste visuelle et musicienne, justement, qui joue notamment de la harpe celtique et qui fait qui est une chanteuse assez intéressante. Et en fait, ça, c'est un morceau de son dernier album. Elle en a fait 3, et donc c'est vraiment des chansons inspirées un petit peu de la voix soufie, on va dire, des voix soufies aussi, et donc de la poésie soufie. Par rapport à Meitei, ça c'est le deuxième que vous entendrez. Meitei, qui lui est un chanteur japonais, et là on entendra peut-être l'un de ses morceaux les plus faciles d'accès, je dirais, pour ceux qui veulent entrer dans la musique de Meitei, qui s'appelle Oiran 2 et qui est paru dans un album qui s'appelle Kofu en 2020, donc c'est un album assez récent. Et Meitei, lui, c'est un artiste qui est à la fois inspiré par le folk, et on a vraiment quelque chose d'une reprise, et là il sample beaucoup d'anciens éléments japonais, alors soit parfois tirés de films, parfois tirés de disques, parfois tirés d'éléments, donc quelques voix, et en fait dessus il va essayer d'expérimenter et notamment avec des boucles, et on a énormément de boucles musicales justement qui viennent, et c'est quelque chose qui est une réflexion entre le passé et le présent sur la boucle, la répétition, le sample d'éléments plus anciens, et on est vraiment entre de la musique folk et de la musique plus, on va dire, électro, voilà, donc électro-folk. Donc on écoute ces deux morceaux à la suite, merci Nicolas. Thank you. Alors, on a une belle surprise. Francis Gavel est dans le studio. Je voulais qu'il désannonce, donc il a fait bonjour à tout le monde. Vous l'avez déjà entendu ce matin, vous l'entendez de nouveau. Non, vous n'étiez pas, il était pas là ce matin. D'accord, il nous expliquera. Mais en tout cas, voilà, on est content de l'avoir. Bonjour Francis. Il a dit bonjour. Bonjour. Voilà, la douce voix de Francis après Métaille, que je vous conseille en tout cas. Merci à Nicolas. Et alors, on va revenir sur le Hellfest. Japon, 3, reste du monde 0. 3 groupes japonais étaient au Hellfest et le Japon a largement remporté la mise. Après, c'est moi qui vous le dis, donc c'est pas compliqué que le Japon ait remporté la mise par rapport à ça. On va écouter un groupe qui s'appelle Mono, je vous conseille. Il passe à Paris en septembre au Trabendo. Alors, si j'étais Francis Gavel, je vous donnerais la date exacte, mais je suis Alexis Huneau, donc j'ai oublié la date. Et si vous êtes très fort, et si vous habitez le nord de la France, allez les voir à Lille, où le concert coûte 10 euros à l'aéronef. Donc voilà, entre Paris et Lille, 15 euros déjà, c'est un super groupe. Donc j'ai vu au Hellfest, Mono existe depuis 99, ils font du post-rock, je continue à vous dire, et du contemporary musical, classical, pardon. Le contemporary classical, c'est le classique d'aujourd'hui, hein, on s'est dit à un moment donné, il fallait appeler ça. Donc c'est souvent, on présente différentes courants de musique savante. Là, j'ai pris sur Wikipédia, je ne vais pas vous mentir, apparu après la Seconde Guerre mondiale, qui ont souvent en fait, emprunté des voies nouvelles en dehors du système tonal. Alors, trois noms qu'on connaît souvent, Schoenberg, Varèse et Messiaen, notamment. Vous allez voir, on n'est pas complètement là-dedans, on est plus dans le post-rock. Le post-rock, c'est l'expérimental, rock souvent instrumental. On va écouter Mono, ça vaut vraiment la peine de les écouter en live. On va les écouter ici dans un live à Melbourne, dans un morceau qui s'appelle Death in Rebirth, la mort dans la naissance, donc dans la renaissance. Donc on continue avec des thèmes souvent pas forcément super drôles. Merci beaucoup, heureusement qu'Antoine est là. C'est le 1er septembre à Paris. Antoine nous envoie les infos, merci beaucoup. Donc voilà, écoutez Mono, donc 8 minutes, vous allez voir, on avance dans quelque chose de qu'on pourrait appeler presque du rock progressif. On écoute Mono. Thank you. Marie-Pauline et Antoine. Et Antoine et Francis qui parle de projection de presse, évidemment. Antoine, j'espère que tu as apprécié et que tu as hâte d'être au concert. Voilà, et que ça ira à ce moment-là. Voilà. On fait des petits messages personnels. Non, mais en tout cas, voilà, je vous conseille, si vous aimez le genre de musique, Mono, 1er septembre à Paris et un petit peu plus tard à Lille, ça vaut vraiment, vraiment la peine de voir. Alors, on a été un peu dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait. Vous nous connaissez si vous écoutez un petit peu. Là, vous allez découvrir une facette de Marie-Pauline un petit peu différente. Elle va nous expliquer avec un groupe qui s'appelle Shotek. Et on part sur un peu autre chose. Vous allez découvrir une Marie-Pauline groovy, dancey, enfin, partir autre chose. Explique-nous. Eh bien, c'est très simple. C'est un groupe que je ne connaissais pas du tout. Il y a un morceau que j'ai découvert en regardant un film. Il s'agit d'un court-métrage qui s'appelle Raymanta, réalisé par Anton Bialas, qui est probablement... Donc c'est un court-métrage, je ne sais plus si je l'ai dit. C'est un des films, je pense, que j'ai vu cette année qui m'a le plus impressionné, puisque c'est un des rares films qui arrive à porter un regard sur la société contemporaine, sur ce qu'on vit aujourd'hui, notamment sur les violences, la coercition. Et donc, ouais, ce film, c'est une sorte de manifeste. Et dans ce film, il y a une séquence qui est probablement la plus belle séquence de l'année, dans laquelle l'actrice Camilla Kuspanova mange des fruits comme un acte de résistance. Alors, dit comme ça, ça peut paraître bête, mais c'est tout le sujet du film. C'est comment chacun d'entre nous peut trouver des petits interstices, des petits espaces de liberté dans une société qui ne nous en laisse pas beaucoup. Et pendant cette séquence où elle mange des fruits, en plus elle a une manière de manger des fruits, je vous assure, même si vous n'aimez pas les fruits, vous avez envie de faire comme elle. Il y a ce morceau, donc FTS de Shotek, et moi depuis c'est devenu mon morceau, je ne sais pas, ce n'est pas un morceau doudou, mais c'est un peu le morceau que je me mets quand j'ai besoin de me motiver et de me remonter le moral. Donc j'espère que ça va faire, voilà, ça va vous faire la même chose. On écoute. Yeah, 1, 2, 1, 2. On E, that's what we fuck, man. Yeah, 1, 2, 1, 2. Yeah. This is what I love and can't stop loving. Get wasted at parties from 9 till 7 in the morning. I live for the music, rolling blunts, feeling high, getting loaded, or take some pills and go to La La Land. Spending all my money on dope and extreme high price tickets, but in the end it's all worth it. I like to live in my own world. Fuck regular life, fuck a 9-to-5 job. I'm told to enjoy every moment, every hour, every minute. That's what I do on Fridays and Saturdays. Why should I take life so seriously? I just wanna do what I like to do, be it far from reality, cause I can't stand society. It's my own world, I just wanna hear the music. I think the whole system fucking sucks. Everybody's working their fucking ass off during the week, getting totally fucking stressed out. So what's wrong and what's right? I live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby. Come on, let's go. That's what we fuck, man. Et c'est toujours Bulle de Rêve, on va changer complètement. J'ai dit qu'on passerait les 19 morceaux, donc on va aller vite. Je voulais montrer aussi un autre visage. Après tout, Marie-Poulet a montré un autre visage, donc je vais vous montrer. En fait, j'y connais vraiment pas grand chose en classique, donc je vais juste vous dire rapidement ce qu'on va écouter. On va écouter, j'adore les quatuors à cordes et les quintettes à cordes. On va écouter juste un petit morceau du quatuor à cordes numéro 14 de Schubert. J'adore le, voilà, tout ce qui est quatuor à cordes de Schubert. C'est extrait de son lead, en fait. C'est le nom de ce quatuor. Wikipédia, je vous avoue, vient du deuxième mouvement, l'Andante, qui est une série de 5 variations sur le thème extrait de son lead, hein, le fameux poème germanique chanté par une voix ou accompagné par un piano ou un ensemble instrumental. La jeune fille et la mort, l'un des plus célèbres poèmes, écrit en 1817, donc sur un poème de Matthias Claudius. Et donc on écoute ce petit extrait, donc voilà, de 3 minutes, on écoute Schubert. Thank you. Rebonjour sur Radio Libertaire, c'est Bulle de Rêve et après Schubert, maintenant on continue les programmations musicales avec Shamir. Alors Shamir, de son vrai nom Shamir Bailey, c'est un assez jeune artiste américain avec une voix relativement androgyne qui a été découvert autour de 2014-2015, notamment par la revue Pitchfork, donc revue en ligne assez intéressante. Et depuis, il a fait quand même pas mal d'albums, 8 albums studio, 5 EP, ce qui est déjà pas si mal en moins de 10 ans. Et là, en fait, ce que je voudrais proposer, c'est une reprise d'une chanson de Laura Verse, qui date d'il y a une quinzaine d'années et qui s'appelle Where Gravity is Dead. Et donc, voilà, on va écouter Where Gravity is Dead. Écoutez bien Bulle de Rêve. Aujourd'hui, on parle pas trop d'animation, on parle même pas trop du tout et on passe de la musique. Là, je vais vous proposer un petit moment de recueillement puisque nous allons écouter un titre de Nick Cave tiré de son album Ghostin sorti en 2019. 3 ans après, c'est un album qui est toujours aussi à la fois insupportable à écouter et indispensable. Il a été fait, enfin c'est le premier album qu'il a été fait après la mort de son fils Arthur en 2015. Et pourquoi j'avais envie d'écouter encore Nick Cave, au-delà du fait que c'est quand même très très beau, c'est parce que je pense très fort à lui, qui est en tournée en ce moment, qui a perdu un deuxième fils au mois de mai. C'est un vrai mystère pour moi comment il arrive à tenir, à tourner et à chanter ses chansons qui sont si déchirantes. J'imagine qu'il y trouve une sorte de force. Voilà, c'est vraiment un hommage que j'avais envie de lui rendre, parce que je suis pas trop sûre que tout le monde serait capable de faire la même chose à sa place. Voilà, on va écouter Waiting for You. Je vous ai pas fait un cadeau, je pense que c'est une des plus tristes de l'album. It's better not to say anything at all. Your body is an anchor, never asked to be free. Just wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you. Through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor, never asked to be freed. Well, sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you, waiting for you, waiting for you. Alors, bon retour sur Bulle de Rêve, avec encore l'émission musicale. Et donc, après Nick Cave, on passe maintenant à une voix un petit peu plus féminine, avec Clara Isée. Donc, Clara Isée, qui est une chanteuse et romancière française, et qui est assez inspirée justement par les grandes voix lyriques, autant que par la chanson française, Barbara et compagnie, et par les mélodies latino-américaines. Et c'est un petit peu là-dedans, justement, qu'on va aller, puisque la chanson que j'ai proposée, qui vient de son EP, rentrée de 2018, s'intitule Libertad, tout simplement. Et Francis Gavel, ici présent et toujours très bien informé, me disait justement qu'elle avait composé l'EP juste après le décès de sa mère, ce qui pourrait expliquer justement les paroles peut-être légèrement tristes. Voilà. Et donc, on va écouter Libertad. No quiero cantar más de amor, no quiero hablar más de abrazos. No tengo miedo del desierto, de las luces lejanas, de las noches más negras y del mar sin color. Quédate en el silencio, nace el sol y del silencio nace ya. Voilà, on continue en effet l'émission Bulle de rêve qui est normalement spéciale cinéma d'animation plutôt et là musicale car voilà, c'est Annecy, Covid, enfin tout ça a fait que on se retrouve sans invité, même si on a Francis Gavel. Et donc on va continuer notre émission musicale. Alors après ce moment-là, vous avez dit ça y est, il nous a abandonné avec son métal. Maintenant, ça revient. On va entendre deux morceaux pour finir. Enfin, un troisième morceau ensuite. On finira par un très bel hommage, en effet, très important. Enfin, en tout cas, moi qui me touche beaucoup aussi. On va avancer déjà sur le premier morceau. C'est un groupe qui s'appelle Walls of Jericho, qui est né en 98. Pareil, alors ça, il faut les voir en live avec Candace Cuxulain, je prononce très mal, chanteuse absolument incroyable. Il faut que je vous explique deux choses rapidement, parce qu'elle va le dire à un moment donné. Il y a ce qu'on appelle les circle pits en métal, qui sont en fait, on tourne très très vite comme une centrifugeuse. Très très très très très très, très vite, et voilà, on se fait souvent mal, mais voilà. Et les Wall of Death, qui sont en fait d'un côté et d'un autre chacun, et ensuite on hurle et d'un seul coup tout le monde... Voilà, fracasse les uns contre les autres. Alors elle est très très forte, Candace, pour amener les gens à faire du circle pit. C'est une chanteuse qui est assez incroyable. On est dans du metalcore. Metalcore, c'est une mélange entre l'extrême metal et le hardcore punk. Et on écoute un morceau qui s'appelle Live at Wacken 2009. J'en ai pas trouvé, qui s'appelle American Dream. Et elle nous l'a fait aussi. Donc vous n'entendrez pas forcément les paroles. Paroles, c'est donc fuck the American dream, fuck this place, burn it down, everything I love is gone. Donc brûler, voilà. This is not my home. I've tear us down, free us all. We were sold a promise of a better tomorrow. Fuck the American dream. We were told that our choices were our own. Donc on a dit que les choix seraient les nôtres. On avait dit, on nous promettait un meilleur lendemain. On nous promettait des opportunités d'une vie. Fuck the American dream. Et vous allez l'entendre, Candace, tout au début. Vous pouvez faire ce qu'elle vous dit au tout début. On écoute American Dream. To all of you who are fucking angry, pissed off at the fucking world, and what your eyes fucking see, I want to see your middle fingers in the fucking air. Stay with me. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck the American dream! Let's fucking go! Promise of a better tomorrow. J'arrivais à faire ça, bulle de rêve! Fuck the American Dream. Candace, incroyable en concert. Allez, on enchaîne. On va tout passer, on est même en avance presque. Yes! Pas tout à fait, juste. Allez, on enchaîne. Un groupe que je vous ai déjà passé, donc on va passer trop de temps. Alors là, on est un groupe qui s'appelle Envy. On est dans du Screamo. Le Screamo, c'est un côté émo, mais un peu agressif. Les mots, hein, évidemment, on connaît. C'est tout ce qui est très émotionnel. On exprime. Alors, beaucoup de choses qu'on a écoutées sont très. On exprime vraiment des choses très émotionnelles, très fortes. Et Envy, c'est ça. C'est un mélange entre les deux. Ils ont eu beaucoup de changements au cours de ces 30 ans. Hein, qui ont, comme d'autres, on a cru que la disparition du groupe, mais en 2018, Tetsuya Fukayawa, le chanteur mythique du groupe, annonce son retour. En 2020, ça va donner cet superbe album qui est The Fallen Crimson. Alors, on va prendre, par contre, on va prendre Marginalized Thread, donc qui fait le morceau qui fait 3 minutes 30. On écoute Envy qui passe aussi en concert bientôt à Paris. On écoute. Yeah! Eh bien, nous allons conclure cette émission avec un hommage, puisque nous allons entendre un morceau de Julie Cruz. Julie Cruz nous a quittés le 9 juin. C'est une chanteuse et actrice américaine dont le nom est irrémédiablement associé à ceux de David Lynch et de Angelo Badalamenti, puisque leur première collaboration était sur le film Blue Velvet, où elle interprétait Mysteries of Love. Et le titre qu'on va entendre, c'est Falling, et c'est le générique de la série Twin Peaks sur l'album Floating into the Night, qui a été coécrit par David Lynch et Angelo Badalamenti. Voilà, nous allons nous quitter sur ce morceau qui sera aussi notre générique, et on se donne rendez-vous le 9 juillet pour notre émission spéciale Annecy. Thank you. Ainsi se termine Bulle de rêve pour aujourd'hui. On vous rappelle que le dimanche 3 juillet, c'est-à-dire pas ce dimanche, mais le dimanche suivant, à la librairie du Monde Libertaire au 145 rue Amelot, une grande, alors appelez ça braderie, solderie, liquidation, de livres, disques à tout petit prix, la culture à petit prix. C'est dimanche, non pas qui vient, mais dimanche suivant à la librairie du Monde Libertaire au 145 rue Amelot. Livres, disques, textes, toute l'anarchie disponible sur place. Radio Libertaire 89,4 MHz.